Ils sont mûrs. Oui, ce sont mûrs. Les prières, les haies, les sentiments. La mensonge est en selle des longues réactions de toutes les bouches. Elle rend sa place à l'effrayante séparation de tous, de toutes. C'était très difficile, plus difficile que la naissance, mais c'est passé. C'était beaucoup de mensonges, c'était beaucoup de larmes, c'était peu d'amour. J'ai tout oublié, c'était un mauvais rêve. J'ai pris dans mes bras l'enfant, la liberté. J'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup prié, car cette année-ci est la 9e année du délai. Thank you.